Elle était si belle, montrant ses jambes à tout un café. C'est pas que je me rappelle, c'est le patron qui m'en a parlé. Maintenant, j'ai tout juste le droit à une grande scène quand je rentre le soir. Pas bonjour ni même bonsoir, et toujours, toujours la même histoire. Tu finiras par crever dans tous ces troquets. C'est pas avec ce maudit comptoir, tu as fait va te marier. Le pire, il y a des fois, ses amis viennent me surveiller. Faut dire que lorsque je bois, y'a pas grand chose qui peut m'arrêter. Ses petits potes du KGB vont lui raconter le nombre de demi-enquillés et de conneries racontées. Tu finiras par crever dans tous ces troquets. C'est pas avec ce maudit comptoir, tu as fait vœu te marier. Sa mère, alors pour me consoler, devinez où je suis allé. Je suis parti au troquet d'à côté. Je suis parti oublier que je me mariais.